Réanimation existe depuis 12 ans et a récemment été proclamée, selon certains sondages radiophoniques spécialisés, meilleure et plus importante émission métal en ondes à CIFU 89.1 FM entre 19h et 22h le mardi. Ceci est totalement incontestable, semble-t-il. Ce qui n'est pas n'importe quoi. Réanimation n'a aucun compétiteur métal direct à CIFU entre 19h et 22h. Quelle nouvelle d'importance! Maintenant, redescendons sur Terre et débutons le tout. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque le modus operandi est essai-erreur et qu'en bout de ligne, le résultat est beaucoup plus erreur. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. 'Cause Pendragon said so. Go. Adios. Always Satan, the fallen god. And there are always those who, in their search for God, seem to find Satan instead. Give me one more. how it is done. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Hey, capitaine, j'ai trouvé une carte au trésor. Montre-moi donc ça, mon petit moussaillon. Qu'est-ce que c'est ça, le logo de la barrique à la place du X? On manque justement de bière. Vigie! Qu'est-ce qu'il y a? Cap vers les Trois-Rivières! Hey, vous avez l'air de savoir où on s'en va, capitaine? Ben oui, mon moussaillon. La légende dit que la barrique, c'est le lieu de prédilection pour les amateurs de bière de microbrasserie québécoise, d'importation et de savoureux produits du terroir. Pis si tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer tout de suite. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Lorsque tu étais petit, tu tripais sur Home Alone et ta mère t'a acheté la petite télécommunicassette. Oui, c'est ça, la télécommunicassette, l'enregistreur gris. T'es passionné par le micro, même que des fois, ben, tu parles dans ton cornet de crème glacée puis c'est un peu gênant en public. Ben, c'est aujourd'hui que tu peux te prendre en main. Franchis la porte de ces fous puis réalise ton rêve. Parce que tes parents croient peut-être pas en toi, mais moi, je crois en toi. Gâte-toi. Fais-moi goûter ton cornet aussi, il a l'air bon. Visite cifou.ca et télécharge les formulaires de dépôt de projet d'émission ou viens nous voir sur le campus. Pour information, prog cifou à commercial uqtr.ca. À Cifou, les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 16 avril de l'an des disgrâces 2013. Je suis le Dr. Payne Pendragon. Et une fois de plus cette semaine, je suis accablé et châtié, moralement, presque voire physiquement, par Sinistros. Eh bien, bonsoir. Je vois que tu es de retour de ton périple avec les extraterrestres. Oui, en fait, ce fut fort agréable. Oui, ben j'imagine. Oui. Ben pour moi. Quand j'ai su que tu t'étais fait enlever par des extraterrestres, je me suis dit tout de suite, pauvres autres, ils savent vraiment pas ce qu'ils viennent de faire. Dans les faits, là, faut que je te conte, je te situe un peu comment ça s'est passé. J'étais à la quête de quelques matières premières un soir de la semaine dernière. Et je ne peux pas nommer l'endroit, évidemment, parce que c'était illégal ce que je faisais, bien entendu. Et soudainement, j'ai vu une espèce de faisceau lumineux venir éclairer justement la tombe où j'étais en train de creuser. Oups! Qu'est-ce que j'ai dit là? Et pour me rendre compte que c'était une espèce de faisceau traqueur pour me faire absorber dans cet engin spatial. Et finalement, ben au début, je trouvais ça un petit peu étrange, mais quand j'ai vu la tronche de ces espèces d'extraterrestres, je me suis marré à mort, mec. Je te jure, c'était vraiment la galère. Et puis, de fil en aiguille, je les ai convaincus que finalement, ça donnait absolument rien. Fait que c'est toi qui as fait des expériences sur eux autres? Ben, en fait, pas immédiatement, parce qu'il a fallu que je les amène tranquillement. Les amadouer un petit peu. Oui, c'est ça. Finalement, j'aurais dit, vous êtes très fatigué, vous devriez vous étendre sur votre civière. Et puis, de fil en aiguille, sans mauvais jeu de mots. Alors, c'est ça, les nouveaux morceaux que tu nous as rapportés, que je trouvais un petit peu... Oui, effectivement. C'est le fun. Donc, on pourra voir avec l'ADN s'il y a moyen de reconstituer des hybrides ou quelque chose. Bon, un Frankenterrestre. Oui, voilà, pourquoi pas. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, excellent, excellent. Tu vois, ce qui est encourageant, c'est que présentement, à l'extérieur, il n'y a presque plus de neige. Non, ben ça, je commence à être très content. Parce que j'ai troqué ma tuque pour une casquette pas plus tard que ce matin. Ah. Alors, j'en suis fort aise. Ben, c'est bien, parce que vendredi, pas plus tard que vendredi dernier, c'était déjà un peu incertain sur quoi on s'en allait. Ouais, c'était un petit peu cheap. Mais ça fait du bien de voir que finalement, ben, on va être obligé de repartir les frigos parce que la conservation naturelle de nos corps à l'extérieur c'est sera dommage, plus adéquate. Mais au moins, on a appris des coyotes. On est capable de creuser un grand trou pour les garder un petit peu plus longtemps. Oui, mais tu parles des coyotes ou des cadavres? Les deux. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai pas vu ça comme ça. Tu laisses les coyotes creuser le trou puis tu mets les coyotes dans le trou. Oui, avec tu fais faire la sale besogne par un autre. Faire une pierre deux coups. Et ben, voilà. T'affiches pas, là, mais t'es pas si fou que ça. Et comme tous les mardis, eh bien, nous avons une super température. Oui, ben moins pire que le reste de la journée, mais c'est réanimation Bringer of Storm, qu'est-ce que je te dis. Eh oui. On a une émission chargée ce soir. Ouais, regardons ça, on dit jamais ça. Parce que il y a des spéciaux. Sans livraison, évidemment. Je suis vraiment en verbe ce soir. Sinistros nous fait une présentation ou deux. Non, une bonne présentation avec deux spéciales Tour du Monde. Moi aussi, je collaborerai à ce spécial Tour du Monde. Les saveurs de ce monde. Les saveurs de ce monde au niveau métal. En fait, la présentation de Sinistros ce soir, c'est une grande première puisque l'album paraissait aujourd'hui, mais on en reviendra tout à l'heure. Gardons le suspense. À l'instant, avant cette pause publicitaire et ce flot de paroles inutiles, vous avez entendu les formations suivantes, soit Behemoth et la pièce Be Without Fear, tirée du très bon album des Apostasies, qui est paru en 2007, sur Century Media. 2007 déjà pour cet album-là, j'ai l'impression que c'est là, il y a deux ans. Ben, il y a d'un nouveau qui s'en vient. Oui, pis ça, c'est une excellente nouvelle, à savoir qu'ils sont en studio. Auparavant, Sinister et la pièce Transylvania, City of the Damned, que l'on retrouve sur le dernier album, Full Length, je dirais original, paru en 2012. Très bon album. Oui, c'est un excellent album de Carnage Ending qui est paru sur Massacre Records. Et ils ont sorti un autre album par la suite qui est une compilation de... Des meilleurs je pense pas succès. Ouais, ben, c'est, oui, c'est ce qui a le plus joué à la radio. Par réanimation, on s'entend. Ouais. Ouais. Fait que, bon, ça fait un album, finalement. Non, mais je pense que c'est de... Faudrait que je vérifie, mais c'est de telle année à telle année. Probablement sur une plage une période étant sur un même label, j'imagine. Possiblement. Nous avions Vomitory, la pièce Forever Damn, que l'on retrouve sur Opus Mortis Hate, paru en 2011 sur Metal Blade. Vomitory qui termine l'année 2013 avec leur contrat de booking. Ouais, et c'est terminé. Effectivement, c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette formation-là. Ben, moi, je me dis que un groupe qui est comme au sommet, puis qui sait qu'il est au sommet, puis qui pense qu'éventuellement, il pourrait comme décliner. T'es peut-être mieux d'arrêter solo puis de penser oui, à d'autres choses. Je suis d'accord, absolument. Surtout quand le sommet est au ras du sol. Ben, c'est ça. Mais non. Tu plantes moins. Ben, écoute, on s'entend Vomitory, là. C'est pas c'est Slayer, pas, là. Mais non. Mais c'est quand même un groupe qui a un nom relativement important dans le monde du death metal, qui existe depuis longtemps. Donc, c'est peut-être une bonne chose de dire, on n'a plus rien à dire, on arrête. Ben, c'est ça. Nous avions Grave, juste auparavant, et la pièce Somebody's Steps, que l'on retrouve sur la dernière parution Endless Procession of Soul, paru en 2012 sur Century Media. Et nous avions ouvert avec Entomb et la pièce When in Sodom, tirée de l'album Serpent Sands, The Ten Amendments, qui est paru en 2007 sur Three Man Recording. Et c'est le dernier enregistrement, je dirais complet de Entomb en 2007. Vite de même, là, en veille de faire 7 ans, là, qui n'ont rien fait. Ben, c'est comme Behemoth, finalement. Non, parce que Behemoth, c'est Evangelion. Evangelion qui est paru en 2009 ou 2010, je ne suis pas certain. Là. Puis je ne sais pas ce qu'ils font. Puis en plus, l'album Serpent Saints, The Ten Amendments, est pratiquement plus disponible. Ah. Très dur à voir ou excessivement cher, donc... Est-ce que la formation est toujours active? Ou... Absolument. Bon. Ils tournent beaucoup, sont sur des festivals, c'est peut-être ça. Ils ont peut-être décidé qu'elle allait se faire des fonds avec beaucoup de tournées pour... je sais pas, parce qu'encore là, c'est quand même un groupe relativement underdog. C'est un peu comme Candlemass qui avait annoncé, suite à la sortie du dernier album, qu'il ne ferait plus d'album, qu'il ferait uniquement de la tournée, juste du spectacle. Peut-être une question de... Peut-être que le c'est le syndrome de la page blanche, qu'on pourrait dire. C'est possible. Mais tu sais, Sinistros, on sait pertinemment que maintenant, c'est le live qui fait vivre le band et non l'album. Ben, c'est sûr. Fait que peut-être que pour eux, tourner est beaucoup plus lucratif et possiblement... C'est peut-être plus le fun pour eux autres. Ben, c'est peut-être plus le fun. C'est pas tout le monde qui aime faire du studio. Je crois pas vraiment maintenant qu'il y a énormément de labels qui vont dire... je te paye all the way tout ce qui est le recording, ce qui est le pressing, ce peut-être qui est les gros labels, oui, mais faut que tu fournisses au bout là. T'sais. J'imagine que oui. Oh, oui. Fait que bon. C'est sûr qu'un label comme Massacre Records, ils doivent pas tout payer. Là. Non, je penserais pas. Puis en plus de ça, c'est que si jamais t'as un engagement avec un label qui décide qu'il s'engage pour tant de montants dans la parution de ton album, puis que ton album ne sort pas suffisamment. pour se faire rembourser, ils vont peut-être dire, ben, tu vas tourner, petit gars. Parce que maintenant, ils prennent des cartes sur la marchandise. Ben, c'est ça. Tu sais, fait que c'est peut-être une façon de s'en tirer, je sais pas. Ce soir, je vais avoir des chroniques cinéma, trois en fait, et j'aurai aussi une chronique musicale qui, en fait, l'un comme dans l'autre, ces chroniques-là sont pas nécessairement très élogieuses. Mais je reviendrai un peu plus tard à l'émission. Mais maintenant, c'est à toi qui c'est le tour de continuer musicalement. Eh bien, j'avais annoncé ce soir qu'à réanimation, il y aurait plusieurs spéciaux. Alors, moi, j'ai choisi de faire un spécial des saveurs du monde. Alors, j'ai au menu l'Italie et la Suède. Ben, regardons ça, toi. C'est le fun, hein? Ben, si tu le dis. Ben, on va commencer. Ben, l'Italie, oui. La Suède, je suis pas très familier avec leur mets, là. Mais... Ouais, mais on verra. C'est cela. Alors, on va commencer avec l'Italie, avec un album qui sortait aujourd'hui même. Ben, aujourd'hui même, aujourd'hui effectivement. Aujourd'hui même. Aid, qui donne dans un trip gallo-romain de métal. Gallo-romain hyper gratiné. Ouais, très gratiné. Avec une pièce s'intitule The Endless Runaway. C'est tiré du tout nouvel album, il est tout frais, je l'ai dans mes mains, presque encore enveloppé. Et très bon. Et très bon, qui s'appelle Spartacus. J'aime même le t-shirt. Ben oui, c'est un beau package. C'est un beau deal que vous pouvez aller sur le site de Blasted Records pour un peu de plat, il est super gentil. Le t-shirt est très beau d'ailleurs. Ouais. Blasted Records, vous avez un deal pour $23 canadien, shipping inclus. Vous avez le t-shirt, un poster, le CD, puis un sticker. Puis un membre du band. Puis un membre du band, mais démembré. C'est un démembre. Oui, c'est ça. Alors, on va entendre la pièce de The Endless Runaway, c'est tiré de l'album Spartacus. Nous entendrons également Flesh God Apocalypse, Natron et Violentor. Alors, allons-y tout de suite. Aid. Go! Thank you. We believe in the fires of hell. Yeah! grand concours de band live entre Montréal et Québec est débuté. Les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis dès 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de sa chanson sur les ondes de C'est Fou et plus encore. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration du studio Boxstone, Long & McQuaid, Maud Tattoo et Studio En Phase. Un événement production Joshua et C'est Fou 89.1. Mardi 23 avril, le Gambrinus reçoit Clock in Motion, Living Crush et Terry Young. Hey Mathieu, t'aurais pas vu mes clés? Ben oui, c'est moi qui t'ai emprunté. Comment ça? Ah, j'ai entendu à travers les branches là, que la seule façon de savoir qui allait être le prochain animé assemblage requis avec moi, ben c'était d'apporter au studio un char pis de la bonneau. Et j'ai mis le feu à l'auto là, juste pour avoir de quoi arroser, t'sais. Je pense que ce que t'as entendu, c'est que ton co-animateur est maintenant Jean-Philippe Charbonneau. En l'occurrence, moi. Écoute, bon, je te pardonne. C'est une erreur facile à faire. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Maintenant avec Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau. Mais toujours avec le même humour douteux. Du lundi au jeudi de 7h à 9h, assez fou. Savais-tu dire que quand je pensais avoir entendu Jean-Philippe un cure-pipe, c'était plutôt Jean-Philippe? Fort probablement. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Si vous voulez le meilleur du rap, c'est sur le Big Max Show tous les mercredis de 17h à 18h sur C'est Fou 89.1. Ah, c'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F O U 89 1. Non, c'est un mensonge horrible, il est 20h06. Ah, t'es tombé êtes... menteur. Oh, je m'essaye. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, votre radio campus ici même à Trois-Pistoles. Non, Trois-Rivières. Ah. Mais trois quelque chose, là. Trois cours d'eau. C'était la première proposition gastronomique de Sinistros. Eh oui, nous avons visité la gastronomie italienne avec Violentor et la pièce We Ate All, tirée de l'album Violentor de 2011 sur IBM Records. Nous avons eu Natron avec The Steak Crawlers, tirée de l'excellent Grandmeister qui est paru en 2012 sur Southern Brigade. Nous avons eu et reconnu Flesh God Apocalypse avec The Egoism, avec série de l'album Agony, qui est paru en 2011 sur Nuclear Blast. Et, finalement, l'album qui sortait aujourd'hui, Aid, avec The Endless Runaway, s'est tiré du très, très, très excellent Spartacus, qui est paru ce matin même sur Blast Head Records, qui est un label de Halifax. C'est vrai? Alors, oui. Alors, je vous conseille d'encourager ce gars-là, qui est super cool. C'est un gars qui est très dévoué pour la scène d'être brutal. Fait des très bons prix. Puis regardez, moi j'ai commandé. Puis deux jours après, Post Canada, ça rentrait chez nous. Écoute, puis il vient de signer un très bon band. Oui, il y a d'autres très bons bands qui sont les belles. C'est une belle initiative, ça. Oui. Je veux juste vous faire, avant de procéder à mon premier spécial de la soirée, qui sera format familial. Mais je dis pas quoi. Je veux vous faire une petite chronique musicale parce que là, ben en fait, depuis la dernière émission, j'ai essayé seulement un truc qui porte le nom, c'est une formation qui vient d'Espagne, qui porte le nom de Graveyard, qui donne dans une espèce de death roll metal. L'album s'appelle The Sea Grave, c'est paru sur Warhand Theme Records, c'est disponible en CD présentement, et c'est une forme, une belle pochette par exemple, hein, je dois dire, la pochette est bien, la pochette qui fait une espèce de principe de gravure, là. C'est une espèce de gravure démoniaque, là. C'est quand même bien. Moi j'ai trouvé, puis tu l'as écouté toi aussi cet album-là, ouais. Et puis moi j'ai trouvé personnellement que, bon, à la base musicalement, c'était... C'est correct, là, mais on s'entend que correct, on mettra pas d'un gros K majuscule. Non, juste un petit C. C'est ça. Mais c'est une espèce de, d'imitation de Grave, mais en plus cheaper. Ouais. Mais c'est quand le vocal embarque. Que ben là, j'ai là, dit, c'est... ben là, là, c'est pas bon. C'est une blague. Oui, mais c'est une mauvaise blague. Oui. Musicalement parlant, je le dis, si c'était un groupe uniquement instrumental, ben à rigueur, ça viendrait peut-être long au bout de l'album, mais ça serait quand même correct, ça se tiendrait. Mais le vocal est vraiment pas bon, dans le sens que c'est un vocal qui est death metal, évidemment, qui donne dans une espèce d'amalgame entre le growl puis le caverneux. Ça fait si on très veut. Juvénile. Ça fait juvénile, mais ça fait juvénile inexpérimenté. Oh oui, c'est ça. Avec très peu de profondeur, puis très peu de un vocal qui englobe absolument rien. C'est très directionnel. Donc ça l'a pas, ça se mêle vraiment pas bien aux instruments, ça fait comme vraiment bande à part, pis en plus de ça, ben c'est pas de très bonne qualité. Donc moi j'ai donné seulement un 6 sur 10. C'est très fait, généreux. Je suis généreux. C'est très oui, généreux. Mais j'ai vraiment aimé beaucoup la pochette. Ouais, c'est okay. ça allait aider beaucoup parce que dans les faits, Sinistros, moi quand j'analyse un album, il y a la présentation graphique qui compte pour ben, moi. Ben moi c'est un gros plus. Oui, absolument. Moi quand je fais des recherches sur des bands ou l'overall de la présentation, si t'as une photo de band poche, ouais. Ça se peut très très bien que je trouve ton band poche. Ben, si écoute, ton logo il est poche, tu perds des points. Ben, ton emballage y est pour quelque chose, hein. Ben, moi je me dis qu'il y a au moins 25% de la bébelle. Facilement, là, facilement. Donc, j'ai donné un 6. Oui, ça peut paraître généreux compte tenu que j'ai pas encensé cet album-là, mais c'est pas acheté aux poubelles. Quand non, même, non, non, non, mais non. C'est pas un album qui mérite, je dirais, d'avoir du airplay régulièrement, puis ça me tente même pas de le présenter à l'émission. Ben, disons, moi, je fais des tests assez souvent. Si après quatre pièces, si après les quatre premières pièces, je suis obligé de faire stop, ça, c'est pas si fini. Ouais, effectivement. Tout à fait, ça peut devenir, en fait, relativement long. Ça, c'était seulement la seule et unique chronique que j'aurai au niveau musical d'écoute cette semaine parce que j'ai été très, très occupé la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Puis, il y a des semaines de même. Hein? Ah, il y en a des meilleurs que d'autres. C'est ça. Il est possible que je reçoive un advance du nouvel album de Sodom au courant de la semaine prochaine. Ben, t'es donc bien chanceux, toi. Ouais, ben, pourtant... J'ai pleuré beaucoup. Hein. Ben, ils vont pleurer, moi aussi. Mais c'est couché avec Kleenex. Je sais. Il est possible que je reçoive un advance de Sodom la semaine prochaine du nouvel album Epitome of Torture qui sort officiellement le 7 mai. Si c'est le cas, je vais vérifier. Et puis, si je peux effectivement faire quelque chose, il est possible que j'en parle et que j'en présente quelques pièces la semaine prochaine. Mais ça, c'est à confirmer. Donc, revenons musicalement parce que je vous parlerai de cinéma un peu plus tard et de spectacle aussi. Les deux spéciaux que j'ai préparés ce soir sont principalement pour me faire plaisir, parce que ce sont deux groupes de métal que j'affectionne. Que Sinistros déteste au plus haut point. Ben, que t'aimes pas vraiment, effectivement, là. Et c'est vrai que c'est pas ton genre musical, j'en conviens, mais c'est pour ça que je dis que c'est pour me faire plaisir à moi, là. Si ça fait plaisir aux auditeurs, ben, tant mieux, c'est un plus, une pierre du coup. Première formation française, Gojira. Formation Aquitaine-Bayonne que j'ai vu en spectacle il y a quelques mois et qui m'ont vraiment, vraiment impressionné de par leur professionnalisme, de par, je reprends tes propres paroles, l'overall, la présentation du spectacle, la qualité des pièces, la qualité du playing. Donc, formation qui existe depuis 2001. Je suis allé chercher des pièces sur quatre albums, soit Terra Incognita, From Mars to Sirius, The Will of All Flesh et le dernier, L'Enfant Sauvage, donc entre 2001 et 2012. Et c'est une formation qui, lorsque je l'ai découvert il y a quelques années, je dirais peut-être un 3 ou 4 ans, j'ai été automatiquement accroché par le style. Contrairement à toi, moi j'aime beaucoup l'espèce de structure un peu chaotique que ces groupes-là ont, qui l'un dans l'autre déroutant au moment, à un certain moment. Ça prend une calculatrice scientifique. Ben, certains disent ça. T'es pas le premier qui dit ça. Mais moi, au début, je me suis dit, oui, je vais essayer de pitonner un petit peu. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, j'arrive pas à la même réponse qu'eux autres. Fait que je vois simplement les écouter. Juste faire des graphiques, moi. C'est ça. Donc, on va se taper quatre pièces de Gojira, cette formation française que j'aime énormément, très professionnelle. On va écouter dans l'ordre Space Time, tiré de Terra Incognita, Where Dragons Dwell, tiré de l'album From Mars to Sirius, Adoration for None, tiré de The Way of All Flesh, et pour terminer sa spéciale, The Gift of Guilt, tiré de l'Enfant Sauvage. Donc, Gojira. Bonjour, Monsieur Mozart. Chaque samedi matin, de 10h à midi, sur les ondes de C'est fou, si vous voulez écouter de la musique classique et de temps à autre de la chansonnette française dite classique, c'est Charles Roberge qui vous parle et qui vous invite à écouter cette émission chaque samedi matin, de 10h à midi. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Tous les mercredis à 15h, écoutez Dans mes écouteurs avec Joanie pour une sélection musicale rock variée. Dans mes écouteurs, les mercredis, 15h. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou des bandes émergentes. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. The enemy is now in sight above the palace. Je ne vous souhaite pas les bienvenus. Ben non, on l'a déjà dit, ça. En ce samedi... en ce samedi 1973, du 27 juillet 43. C'est cela. Bon, OK. On vient d'entendre à l'instant une publicité. Hein? Ne demandez pas de qui, je ne peux pas dire qui est l'artiste. Mais par contre, je peux vous dire ce qu'il jouait auparavant, Gojira. On a entendu successivement les pièces... suivante, soit à l'instant The Gift of Guild, que l'on retrouve sur le dernier album L'Enfant Sauvage, paru en 2012 sur Roadrunner. Excellent album, très très bon album d'ailleurs. Juste auparavant, nous avions Adoration for None, qu'on retrouve sur The Way of All Flesh, paru en 2008 sur Listenable Records. C'est l'adoration des sœurs, ça? Ouais, mais c'est pas N-U-N. Ouais, ça aurait été un titre un peu étrange. Adoration for None. Nous avions Where Dragons Dwell, tiré de l'album From Mars to Sirius, paru en 2005, également sur Listenable Records. C'est un bon album, c'est un très bon album. également. Ben moi, en fait, j'aime tout ce qu'on fait jusqu'à présent. Et nous avions débuté ce spécial avec Space Time, que l'on retrouve sur l'album Terra Incognita, qui est paru en 2001 sur Gabriel Édition. Imagine, toi, donc. Oui. Non, moi, je connais pas Gabriel. Moi, non. Je connaissais pas Gabriel Édition. Probablement que c'était typiquement français. Français. Oui, quelque chose du genre. Je vous parle brièvement, ben brièvement, oui et non, au niveau cinéma. Tais-toi donc, toi, là, arrête de faire du bruit, là. C'est à toi que je parle. Ah, si. OK. Je sais. Je sais. J'ai écouté quelques petits films en fin de semaine. Pas des films. Ouais, j'en ai écouté trois. J'en ai écouté des pas pires, j'en ai écouté des... Des moins pas pires. Des vraiment moins pas pires. Je vais quand même commencer par un des pas pires. The Pact. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. C'est une nouveauté. C'est un film qui fait un amalgame entre le thriller, le film de hantise, et le film de Psycho Killer. C'est original. Ça allait le fun. Oui, c'est un film de Nicholas McCarthy qui met en vedette Katie Lords, Mark Steger et Agnès Brooker. Je les connaissais ni l'un ni l'autre. Mais j'ai trouvé ça quand même bien. C'est original parce que c'est une jeune femme dont la mère vient de décéder et sa sœur lui demande fortement de revenir à la maison pour les arrangements, la maison, tout ça, ces choses-là. Les arrangements floraux. Ben, oui, il y en avait probablement à un certain moment de ce service là, mais bon. Et elle revient à contre-cœur à la maison familiale. En restant à contre-cœur? Ben, je pense que c'est un petit bourg à côté. Mais en contre-courant. Et la maison, évidemment, est inhabitée. Et sa sœur ne vient pas la rejoindre pour... Elle ne sait pas pourquoi. Puis elle se rend compte que la maison semble avoir une espèce d'habitation étrange, voire, je dirais, surnaturelle. Et elle a des contacts avec cette entité-là. Et c'est très lent, je dois dire, au début, par contre. C'est très, très lent. Mais on nous amène tranquillement à ce que cette entité-là, qui est effectivement un esprit, qui on comprendra plus tard qu'était quelqu'un qui a été assassiné, essaie de la mettre, je dirais, de la prévenir de certaines choses et de lui donner des indices pour trouver, finalement, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Et... Elle passe pour une folle un peu auprès des policiers parce qu'elle est c'est genre un peu de femme, un peu bohème, là, puis plus ou moins sérieuse, si on veut, là. Et les policiers trouvent que ben, c'est ridicule ce qu'elle dit. Puis, mais finalement, il y en a un qui décide qu'il va aller enquêter. Et puis, il découvre que dans la maison, il y a une pièce qui était emmurée. C'est une chambre. Il découvre cette pièce-là qui est une chambre qui semble... être inhabité depuis bien, bien des années. Puis il demande, le policier demande à la fille, tu as habité ici pendant 18 ans de ta vie, tu t'es jamais rendu compte qu'il pouvait avoir une pièce l'autre bord par rapport à la configuration? Elle dit non, elle dit, c'est seulement en consultant les plans de la maison que je me suis dit, ça se peut pas qu'il y ait absolument rien de l'autre côté. Puis c'est une pièce qui comporte plusieurs trous dans les murs pour voir à différents endroits dans la maison sans que les gens qui soient dans les pièces habitées ne s'en rendent compte. Un peu comme la psychose. Et finalement, on se rend compte que sa mère a abrité son père, qui est un tueur en série, excessivement violent, et elle l'a caché dans cette pièce-là. J'en dis pas plus, parce que je dévoilerai le punch. Mais c'est quand même, j'ai trouvé original qu'on mette un espèce de film, de phénomène de hantise avec un film de tueur en série... C'est un peu inattendu. Mais je vous le dis, le début du film est relativement lent. La progression arrive à peu près à la moitié du film. Mais ça vaut quand même la peine de le voir. Ça valait pas plus qu'un 7 sur 10, mais c'est quand même intéressant. Je dis pas que t'aurais le goût de le réécouter 6 fois dans l'année, là, mais c'est quand même... Bien. Peut-être juste 5 fois. L'autre film, je vais garder le coup de marteau pour la fin, d'accord? Parce que ça va vraiment être drôle à critiquer. Est-ce que t'avais vu le premier film, The Haunting in Connecticut? Non. Non, c'est un bon film. C'est basé sur un fait vécu. Phénomène de hantise. Hein, Connecticut, ben oui, j'ai annoncé ça, toi. On connecte ton cut. C'est cela. C'était un bon film, le premier, qui avait été réalisé, je vais le trouver, en 2009, par Peter Cromwell. Là, c'est un film de Tom Atkins, mais il est quand même relativement fidèle à ce que Cromwell avait amené initialement. C'est vraiment des phénomènes de hantise dans une famille particulière qui se sont soi-disant passés. Il y aurait des preuves à l'appui. Il y a même des contre-expertises qui ont été faites, puis ils n'ont jamais été capables de prouver que c'était faux, puis c'était une supercherie. Maintenant, c'est la suite. Et cette fois-ci, c'est une petite fille qui a des visions, qui a des contacts avec des gens qui sont morts, mais à peu près à l'époque, de l'esclavagisme américain. Et elle se rend compte que cette entité-là, parce que sa mère aussi a certains dons, mais qui sont pas nécessairement les mêmes que sa fille, elle ne voit pas exactement les mêmes choses, et se rend compte que c'est une mise en garde qui est faite de devoir exorciser une certaine partie de cette maison-là, qui est une vieille grande maison, tout comme à l'époque des sudistes, là, avec les grosses colonnes blanches, ainsi de suite, là, bon. C'est bien. C'est bien parce que à la fin, puis j'ai bien aimé ce qu'on fait justement à la fin dans le générique, c'est qu'on montre toutes les photographies des vrais personnages, de la vraie famille, et versus les vrais esprits qu'ils auraient côtoyés. Fait que c'est pas un grand film, mais c'est un film intéressant, divertissant. Celui-là se mérite un 7.5 sur 10. Donc, je dirais que ça peut être une bonne soirée de cinéma, ça. Le troisième film, et l'un des moindres que j'ai vu, est-ce que tu connais le film Quarantaine? Ben oui. Bon. Tu sais que Quarantaine, c'est un remake d'un film espagnol qui s'appelle Wreck. Ouais, il me semble que j'avais lu ça. Bon. Quarantaine, c'était un bon film. Oui, c'était bon. C'était bon. C'était quand même thrillant, c'était bien. C'était un film caméra à l'épaule, mais quand même, c'était pas trop fatigant. Ça se passe principalement dans une maison de... une espèce de maison de chambre, maison d'appartement, où il y a une contamination et tout le monde devient enragé fou. C'est assez violent, d'ailleurs. Wreck, le premier, que j'ai écouté après Quarantaine, parce que je ne savais pas que c'était un remake, je l'ai trouvé tout aussi intéressant. C'est un film espagnol qui est quand même très bien fait. Il y a Wreck 3, Genesis, qui est paru... Le 2, il est passé où, là-dedans? Hein? J'en ai aucune idée. Ça va bien. Effectivement, j'en ai aucune idée. Il porte le titre, effectivement, de Wreck 3 Genesis, et Genesis avec un E accent aigu. Ah. C'est pas moi qui ai fait une erreur, si vous allez voir la chronique sur le site de réanimation, c'est tel quel. C'est un film de Paco Plaza. C'est un film encore espagnol. Mais là, moi j'ai donné un 4 sur 10. Oui, ça va pas bien. Non, ça va pas bien. Parce que, premièrement, dans l'original, on n'a pas vraiment d'explication. Qu'est-ce qui a contaminé les gens? Donc, c'est ce qui fait que ça demeure flottant puis c'est intéressant. On donne pas d'explication de dire, ben, c'est ça, ils ont mangé ça, ils ont bu ça, ils ont été mordus par-ci, par-ça. Non. Puis c'est ce qui nous fait planer un peu l'imagination pour en faire un peu, si on veut, la conclusion qu'on veut. Dans celui-là, on vient de dire que ceux qui sont contaminés, puis ça, j'ai trouvé ça complètement ridicule, ce sont les anges déchus par Dieu. Ben oui. Ouais. Ceux qui ont été plongés dans les ténèbres et qui se révoltent. À un moment donné, on voit, ça se passe principalement dans une réception, dans un mariage, une réception sur une espèce de grand domaine avec énormément de gens de la famille et amis. Il y a même des gens qui filment. D'ailleurs, c'est un film caméra à l'épaule qui est assez fatigant, je dois dire. Puis à un moment donné, il y a ces espèces de personnages-là contaminés qui sont des humains. On les voit dans un miroir, c'est des créatures qui ont... tu sais, qui ont l'espèce de créatures démoniaques. Je trouvais ça complètement débile. C'est dénaturé, carrément, le film. C'est long. C'est plate. Les acteurs sont pourris. Puis en plus de ça, la trame sonore, là. Elle est archi pourrie. Ben, c'est juste des pièces espagnoles à la Julio Iglesias et compagnie, là. C'est juste ça, là. Juste des crooners espagnols qui chantent des tonnes archi-quétaines. Donc, moi, je vous conseille vivement d'éviter Wreck 3 Genesis. C'est vraiment... Une perte de temps. Total, mais absolument total. Puis même pas en location, hein. Même pas. Donc, ceci étant dit, c'est peut-être le moment que moi j'attendais le plus dans l'émission parce que, honnêtement, j'ai aucune idée de comment est l'album. Puis je te laisse nous le présenter puis nous en parler. Eh bien, est-ce que vous avez aimé, toi, je suis pas mal sûr que t'as aimé, le Opus Eponymus de Ghost, paru en début 2011. Ouais, effectivement, ici, là. Oui, j'adore cet album-là, mais je l'ai aimé à retardement. Bon. Moi, dans mon cas, ça a été instantané. D'accord. Dès les premières notes, les ligues de bass, ça a fait oui. Automatique. Le côté, toute la gamique qui est alentour, moi, j'ai accroché là-dessus. Peut-être des gens qui vont dire que c'est overrated, c'est quétaine, puis le kit, on s'en sac. C'est cool, moi, je trouve ça génial. Puis c'est vraiment hot en show. Ils n'ont rien inventé, ils vont vous le concevoir. Ben, encore là. Ben, c'est original, c'est très original, mais c'est sûr que c'est. C'est des éléments pris à gauche puis à droite. C'est en plein ça, puis on fait un concept avec ça. Oui, oui. La barre était très. Très haute pour un premier album. Peut-être même que c'est peut-être une gaffe de leur part d'avoir fait un si bon album. Je pense que, dans un fait, oui, la barre a été mise trop haute, puis je pense qu'ils ont été victimes de leur succès. C'est parce que ça va être encore pire. Ouais. Toujours est-il que Ghost, maintenant en Amérique du Nord, on doit dire Ghost BC, ouais, pour des raisons légales, viennent de sortir leur nouvel album. Bien évidemment, cet album-là, il y avait des grosses attentes, d'énormes attentes. Tout à fait. Quand tu es un band, puis tu as des attentes énormes pour ton deuxième album, parce que ton premier album, il était tellement encensé, génial, tu as deux choix. Oui. Tu en fais un meilleur. Ce qui est dur. Ce qui est très difficile. Ou tu prends une autre tangente. Ghost ont choisi un petit peu les deux. Ils ont amélioré la tangente mélodique. Mm-hmm. Ils ont amélioré la tangente de back vocals, de quelque chose de très épique et très, très comme grandiose au niveau des back vocals, des mélodies vocales, du mélange avec les claviers, les guitares. Ça, ils ont tout amélioré ça. Ils ont penché d'avoir un côté encore plus 60s que 70s. Ah oui. Donc, il y a des petits bouts sur l'album où on va trouver un peu de surf rock. Sérieux? Oui, mais tu peux avoir un bout surf rock, tu vas carrément tomber dans le psychédélique tout de suite après, comme tu peux tomber dans le progressif quelques instants d'après. Tu as des petits bouts, tu peux avoir l'impression que c'est une espèce de balade un peu Disney sur les bords, parce que c'est comme... Hein, c'est comme spécial. Mais ben, rassure-moi, ils doivent garder un certain aspect malsain à travers ça. C'est beaucoup moins dark. Ah oui? Oui, c'est plus pop. C'est okay. Beaucoup plus pop. Mais on s'entend pop, c'est pas Justin Bieber, là. Chose espérée. Avec cet album-là, faut vraiment qu'on se transpose en 1971-72. D'accord. Faut vraiment aller chercher le côté des groupes rock occultes qui essayaient de plaire plus à la masse puis apporter le côté Satan au plus grand nombre de personnes. Ghost, c'est ça qu'ils font, là. C'est propager la parole du diable, mais pour le plus grand nombre d'oreilles possible. OK. Mais on s'entend que c'est pas un album commercial. Ça jouera pas à radio. Ben oui, ici. Ben oui. Nous, oui. Mais à la radio commerciale, j'entends, c'est sûr que vous n'entendrez pas ça en deux tournes de Céline Dion. Hourra. Bon. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher des éléments très pop, mais qui ont mélangé avec des éléments très, très classic rock. OK. Fait que ça fait un mélange assez intéressant. Effectivement, il y a certaines pièces qui restent classic Ghost, comme la pièce Ear Zero, qui aurait pu très bien se trouver sur Opus Eponymus. Ça. C'est, okay. C'est vraiment la suite. Il y a Monstrance Clock, qui est la dernière pièce de l'album aussi, qui est vraiment pas piqué des verres. Mais il n'y a pas une tune qui est pareille. Okay. Fait qu'ils vont selon une évolution, c'est comme une grosse pièce de théâtre. On avait entendu il y a quelques mois la pièce Secular Haze, oui, qui est un genre de gros carnaval un peu psychédélique. On la fera pas jouer ce soir parce qu'on l'a déjà fait jouer. Moi je vais y aller avec quatre pièces de l'album. On va laisser faire l'intro qui est la pièce titre Infestissumam, qui est vraiment génial, là, mais parce que si on met ça ce soir, on va comme gâcher un peu le... Est-ce que tu sais ce que ça signifie, le titre de l'album, finalement? Hostile. Hostile. Oui. D'accord. C'est en latin, ça veut dire hostile. OK. On va commencer avec la deuxième pièce de l'album qui s'appelle Per Aspera Ad Inferi, qui est c'est du Ghost, un peu plus mellow. Pas martelant, mais c'est quand même du Ghost. On aura Gigolo Ad Megiddo, qui est un peu plus surfing. C'est un peu... des bouts, on pourrait penser à un mélange de Beach Boys puis de Beatles à la période de Abbey Road. OK. Très influencé par les Beatles, l'album. Dans les harmonies vocales, dans les façons de d'amener certaines pièces, on retrouve beaucoup de Paul McCartney là-dedans. OK. Énormément. Certaines pièces aussi peuvent penser... à du John Lennon solo, là. En tout cas, ils ont une grosse, grosse influence à ce côté-là. Puis encore les fameux riffs à la Blue Oyster Cult sont encore là. OK. On va entendre Goulet, Zombie Queen. Ça, ça va être une pièce qui est fesse dans la mythe. Ça commence par 3-4 minutes. T'as l'impression d'écouter un film de Disney vraiment dark. OK. Quand ça part avec Zombie Queen, c'est un coup de poing en face. D'accord. Puis Ear Zero, je sais pas si les gens ont vu le clip de Ear Zero qui circule présentement un peu partout, pas sur YouTube parce que il c'est était banni, je pense. Il était banni de YouTube parce qu'il y a de la nudité puis c'est très irrévérencieux comme clip. Moi, j'ai adoré, là, j'ai trouvé ça super. Je vais la mettre parce que la pièce, je pense que c'est un des points forts de l'album. Là. C'est une des meilleures pièces. Alors, allons-y tout de suite avec l'album Infestissumam. Voici Ghost, la pièce numéro 2, qui est Per Aspera ad Inferi. Go! Oui, oui, ça rentre dans le mythe, pas à peu près, je vais te dire. Oh, vous avez eu, hein? Hey! Et non, c'était une blague, c'est pas Ghost. Allons-y tout de suite avec Per Aspera ad Inferi. Voici Ghost. Hey, c'est encore une blague! Per aspera incubus, and usurp the throne. Thank you. him up, Beelzebub. Asmodeus, Satanas, Lucifer. Le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas. Parmesan pas. Ça l'est, bon. Parmesan pas. On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des best-of de Sifu, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que c'est chez l'homme, c'est le symbole de la virilité et tout ça, tu sais. Et de l'intelligence. Ouais. Faites comme moi et syntonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis dès 7h le matin et les samedis dès midi. Avec le Master Pack Series des best-of de Sifu, profitez de 3 heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Ce jeudi, 18 avril, à 22h, ne manquez pas la dernière soirée cachée si fou de la session. Le nom des groupes sera dévoilé en primeur à l'émission du matin, Assemblage requis, le 18 avril. Visitez la page Facebook de l'événement au facebook.com/soirée cachée c'est fou ou sur Twitter, @soirée c'est fou. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Et Sinistros vient de nous présenter une portion du nouvel album de Ghost. J'imagine que tu vas avoir mes impressions, parce que là, je le découvre, là. Ben oui, c'est la première fois que tu l'entends. Moi, je l'ai écouté 4 ou 5 fois à venir jusqu'à maintenant. Puis à toutes les fois que je l'écoute, ben il est meilleur de fois en fois. Même que la première fois que je l'ai écouté, je l'avais comme accroché. J'avais comme trouvé un peu curieux parce que je m'attendais à du Ghost, mais en même temps, je m'attendais pas à Opus Eponymous. J'espérais qu'il évolue vers une autre branche, tu sais, parce que la barre était très haute. Oui. Mais moi personnellement, je pense qu'il va peut-être même pencher vers un 9.5. Écoute. C'est 4 pièces sur un total de combien? Il y en a 10 sur l'original, puis il y en a 12 sur la 12 sur la Deluxe. OK. Donc une reprise de là-bas. Là-bas, à ma marionnette. D'accord. Ça. Ben moi, mes premières impressions, là, parce que c'est vraiment mes premières impressions, ça m'a bien plu. Ben, je pense que t'as bien trippé sur Gigolo Wad Megiddo. Gigolo Har Megiddo, j'ai bien aimé cette pièce. Le petit côté Beatles, un peu Penny Lane. Ouais. Ben, en fait, sur les 4 pièces, c'est ma préférée à date, là. Ben, c'est moi le plus accroché. Bon. Mais tu vois, Year Zero, les premières. Ben, ça, c'est le single, là, dans ouais. le fond. C'est le véritable single. Mais au début de la pièce, j'étais pas convaincu, puis vers les 2/3 de la pièce, je me suis dit, ouais, c'est correct, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu regardes comme Goulet, Zombie Queen, le petit côté intéressant, parce que c'est vraiment comme macabre au début, comme quasiment une petite balade, un petit peu presque Disney World pour ouais, s'endormir. Disney Dark, là. Ouais, mais c'est ça, c'est du Disney Dark. Mais quand ça part avec Zombie Queen, ça fait un peu B-52, un peu Venture. Venture par moment aussi. Ben écoute, moi je pense, là, je dis ça sous réserve, puis je vais le savoir là, en l'écoutant l'album à partir de demain. Là. Enfin, je pense pas l'écouter cette nuit, là. Je pense que je vais accrocher plus rapidement que son prédécesseur. Ah ben c'est bon. Ouais. Mais écoute, j'apprécie beaucoup. Ouais. Ben moi je l'adore cet album-là. Il est très différent d'Opus Eponymous. C'est sûr qu'Opus Eponymous, j'avais mis un 10 sur 10 parce que c'est l'apothéose du premier album. Vraiment une fraîcheur. Une très grande fraîcheur. C'est le bon temps. Mais celui-là, il risque de se mériter un 9.5 assez facilement parce que pour pas y donner 10 quand même, là, on va se garder une petite gêne parce que... Ben, qui sait? Non, c'est... Oui. En le réécoutant complètement. C'est sûr et certain que je vais peut-être même taper la version de luxe. Peut-être bien que tes 2 pièces de plus sont peut-être très intéressants. Si on peut finir par recevoir nos Moses de vinyle. Ouais, ben c'est ça, les vinyles, c'est plate, là. Moi, j'ai la version CD straight pipe, là, mais je pense qu'on va aller me chercher la version de Luc. Rien pour avoir les deux tonnes de plus. Moi, j'aime pas ça partout. Non, non. Comme Voivode, ça, j'aime pas ça partout. Moi, c'est bien, belle présentation. Trois-Rivières Metal présente le vendredi 12 avril. Ça, c'est-tu passé, ça? C'est peut-être 2014. Hein? Non, c'est pas ça, on est rendu. Okay. Il y a pas rien. Le 28 avril, Trois-Rivières Metal présente le dimanche 28 avril. Rien du tout. Rien du tout, c'est annulé. Bon, il n'y en a pas de show pour Trois-Rivières Metal. On va se rabattre sur Il y a Skeleton Wish qui s'en vient, là, le 29 mai. C'est ça. 29 mai. C'est le 29 mai. C'est, oui, c'est 29 mai Skeleton Witch avec Ancient Wisdom. Ancient, non, pas Wisdom, Ancient, je sais pas quoi, là. OK. Bon, le 29 mai, au Rockefeller Stage, ce sera Skeleton Witch. Skeleton Witch. Ce dimanche, au Capitole de Québec, c'est Hopeth en compagnie de Catatonia. Je serai vous en parler à l'émission la semaine prochaine puisque j'assisterai à ce spectacle. Côté BCI, ce jeudi 18 avril, c'est le Pagan Fest America Part 4 qui met en vedette Insiferum, Tyr, The Valk, Trollfest et Elsot. C'est à 19h, c'est au Metropolis, au coût de 30 et 43 et 34 et 78 plus taxes pour tous via Ticketmaster, Catatonia et Demise of the Crown seront le jeudi 25 avril prochain au Café Campus via admission au coût de 20$ et 25$ taxes incluses. Suffocation, Exhumed, Jungle Rot, Rings of Saturn, Adimiron, 27, samedi, le 27 avril, 19h au Club Soda, 25 et 22 et 30 et 43 plus taxes prix assistés, c'est pour tous, via Club Soda Box Office. Hypocrisy, Crazyon, Aborted, Arsis, Starkill, vendredi le 3 mai prochain à 18h au Fofones Électriques, 22 et 50, 27 et 50, taxes incluses via admission. Et le Decibel Magazine Tour présentera Cannibal Corpse, Napalm Death, Immolation et Beyond Creation le samedi 1er juin à 19h au Club Soda, 25 et 22 et 30 et 43 plus taxes et pour tous via la billetterie du Club Soda. Bingo! Bon, après avoir été faire un petit tour dans les abîmes infernaux de Sa Majesté Lucifer, je vous ramène bien sur Terre avec une formation suédoise qui donne dans un espèce de computer metal assez bizarroïde, chaotique à souhait. J'ai nommé Meshuga, qui est une de mes formations fétiches métal, tout style confondu. On va écouter quatre pièces qui sont tirées respectivement à la Destroy, Erase and Prove, soit Future Breed Machine, pièce d'ouverture, Chaos Sphere et la pièce New Millennium Silent Christ, de l'album Nothing, Perpetual Black Second et de Obscene, Electric Red, dont à l'instant, Meshuga Go.

What a band! Ah, sais-tu, choisir entre Gojira et Meshuga, je pense que je choisirais Gojira. Il y a un dicton qui dit entre deux mots, choisissez le moindre, et ouais, dit ce qu'il choisirait. Et ça veut pas dire qu'il aime Gojira pour autant. Non, mais c'est vraiment moins pire que c'est. C'est vraiment une torture pour toi. Ben, hein? J'ai l'impression de retourner travailler à la shop, là. C'est la même affaire, ça, c'est. J'ai l'impression qu'il y en a un qui fesse un marteau d'un bord, il y a un grinder qui marche d'un bord, il y a deux, trois machines qui partent, allez. Puis là, t'entends le continu du flot des lumières au plafond font bzzz, tu sais, c'est. C'est bon. J'aime vraiment pas. C'est pour ça que c'est du métal industriel. Ah oui, c'est très, très industriel. Moi, j'adore ça. On vient d'entendre la. Non, mais je pense à ça. C'est super drôle, en 11, que tu me disais, là. Moi, je pense à ça. Je pense m'amener ça au gars demain à l'usine. Mais ça dans la radio. Ils vont se demander. Non, il n'y a pas de musique qui joue. Ça va faire le même bruit. C'est soir une annulation de fréquence. Par rapport aux machines. On n'entendra plus les machines. Ah, c'est bien silencieux. On vient d'entendre la pièce Electric Red tirée de l'album Obscene, paru en 2008 sur Nuclear Blast. En fait, ils sont tous Nuclear Blast. C'est l'avant-dernier album. Juste auparavant, nous avions Perpetual Black Second que l'on retrouve sur le très bon album Nothing qui est paru en 2002. New Millennium Silent Christ que l'on retrouve sur Chaos Sphere qui est encore pas mal mon préféré, paru en 98. Et on ouvre ce spécial Meshuga avec la pièce Future Breed Machine, pièce d'ouverture de l'album Destroy, Erase and Prove, paru en 95. Évidemment, sur Nuclear Blast. Ceci étant dit, la semaine prochaine, on va être là, probablement, on croit. Si les extraterrestres décident pas de venir se revenger, là. Ben non. Je m'en suis fait des amis, hein. Ils vont arriver en gang. je conçois que c'est une amitié un peu forcée, là, mais quand même. D'ailleurs, je leur donnerai ton adresse. Mais il nous reste quelques instants pour que Sinistros puisse clore cette édition de réanimation avec quelques trucs farfelus de son propre cru. Je voulais visiter les bonnes saveurs suédoises. Tu viens de le faire, mon ami? Oui, mais ça, c'est... En tout cas. Là, c'est parce que là, t'as l'impression, toi, d'être allé voir les restaurants de junk food là, en Suède. Non, ça c'est ce que tu viens de me fournir. on n'aura pas le temps de placer les 5 pièces que j'avais choisies, alors je ferai un goûter suédois la semaine prochaine. Ben oui, pourquoi pas. Mais on va y aller avec deux excellents groupes, dont un que j'ai jamais passé ici, qui s'appelle Nominon. Non, ce qui était supposé être Ghost tout à l'heure. Là. Ouais, ben c'était une plaque que je vous ai faite. Nominon, avec un album qui s'appelle The Clean Scene, qui est paru en 2012 sur Deathgasm Records. Un excellent album d'excellents death, à saveur trash. Moi, j'ai bien aimé ça. Vous pouvez aller lire ma chronique sur hurlemort.com. Moi, je connais pas. Ça fait pas longtemps que j'ai décidé de peut-être prêter une oreille à ce truc. D'accord. La pièce s'appelle In the Name of Gomorrah. Alors, si vous êtes des sodomites, c'est le temps. Même si vous l'êtes pas, c'est pas grave. Ça pas ou si vous êtes des statues de pierre. Aussi, peut-être. Ou de sel. Ça sera suivi de Aeon, mais on risque de revenir vous faire foutre après cette pièce pour vous faire foutre, justement. Nominon. Go. très méchant. Ah, ça c'était plus doux pour mes oreilles, légèrement. Ah, t'es difficile, toi. Et c'est un homme de Suède avec In the Name of Gomorrah, tiré de l'album de Cleansing, paru en 2012. Et c'est maintenant la fin du fin fond de l'émission. Tout à fait. Il est 21h56 et alors... exact où on se parle, l'émission tire à sa fin. C'est la dernière pièce que vous entendrez cette semaine de cette édition. N'oubliez pas que si vous nous avez manqué ce soir, présentement, si vous nous manquez, là, on est en rediffusion vendredi à 20h. En fait, il y a deux façons de nous réécouter. Sur le Il y a les podcasts. Ben oui, les podcasts qui sont balado-diffusion, si vous préférez en bon français, qui sont disponibles sur le site de réanimation AD.com dans la section... podcast. Et vous pouvez aller directement sur le site de CIFO, CIFO.ca, la section... balado-diffusion. Ben oui, regardons ça. Et vous pouvez avoir animation en rediffusion les vendredis à partir de 23h, je crois. Et ce, en 1080p. Oui, tout à fait, en 1080p, version VGA améliorée. Oui! Sur ce, qu'est-ce que nous allons entendre? Ben, on va terminer avec un autre groupe de Suède... s'appelle Aeon, groupe qui a été notre coup de cœur de 2012. Oui, oui. Avec une pièce qui s'appelle The Glowing Eight. C'est tiré de l'excellent Aeon's Black. C'est paru sur Metal Blade. Une espèce de death metal agricole. Ah, c'est très, très agricole. On entend les roues de tracteurs se promener dans le blé d'Inde. C'est vraiment cœur. Oui. Alors, sur ce... Allez tous vous faire foutre. C'est go!